Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. L'armée, composée des faux juges, des ascètes, des orgiastiques, ainsi que des miséreux, remonte Port-Lagagne jusqu'aux terres putains. Au loin, vous entendez le bruit des bombardements incessants qui ont lieu au niveau de Cour-Argent et du palais de Hamza. Vous voyez des colonnes de fumée noire s'étendre. Une espèce de brume composée donc de fumée, poussière, envahir la ville. Il est actuellement environ 10h, un peu plus de 10h du matin. Même plus aux alentours de 11h. Ce qui fait que la ville est relativement bien éclairée, mais que malgré tout, toutes ces colonnes de poussière et de fumée qui ont envahi les rues ont poussé les gens à allumer les lampes qui se trouvent chez eux, à user du peu d'électricité, qui d'un seul coup s'arrête net, alors que vous passez au niveau du cirque. Vous voyez le néon qui indiquait le nom de l'établissement s'éteindre, ainsi que toutes les autres lumières autour. Il semblerait que, pour une raison ou une autre, accidentelle ou pas, vous ne savez pas, l'électricité ait été coupée en ville. Vous voyez que dans les terres putains, les gens sont complètement paniqués. Un immeuble semble s'être éboulé. Vous croisez également quelques débris. Vous voyez une grosse colonne de fumée au niveau de l'abattoir, là où se trouvait le pont. Le champ de bataille semble avoir épargné la ville. Même si ce n'est pas le cas de Cour-Argent, où vous voyez juste en face les silhouettes des ferrailleurs, des frères de l'acier, se jeter dans les rues et affronter les quelques miliciens qui restent encore, les quelques fléaux qui patrouillaient encore un peu là, qui sont venus en renfort. Les casernes ont été totalement assiégées. Et le gros des forces est déjà autour du palais. De votre côté, vous remontez au milieu des foules paniquées, des gens qui se cloîtrent chez eux, en train de barricader leurs fenêtres, qui préparent leurs armes, qui s'écartent en vous voyant passer, ignorant tout de votre position vis-à-vis d'eux. Jusqu'à ce que, au milieu de la grande avenue principale, le cortège ne soit arrêté par un groupe de différents membres de la résistance. Des cadets armés qui ne vous pointent pas, mais se sont mis en ligne. L'un d'entre eux s'avance et s'adresse à vous. Halt ! Que faites-vous ici ? Qui s'adresse à lui ? Vas-y, je vais m'adresser à lui. Si personne. Non, me coche. Ok. Très bien. Est-ce qu'on a pu discuter de cette éventualité avant de qu'est-ce qu'on fait si on les croise ou oui, je vais faire un flashback si vous souhaitez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'au moins on s'infiltre et on essaye de aller voir la résistance, enfin aller voir Zoé, la chef, et on essaye de parlementer. Est-ce qu'on essaie de la buter pour créer le chaos? Ou alors B, est-ce qu'on se présente à eux en étant honnête, on dit on est chef de l'insurrection du sud et on voudrait parler à Zoé, par exemple. Ou alors, est-ce qu'on rentre dans l'art à tout le monde et... Voilà. Moi, je vois trois choix. La deuxième m'a l'air peut-être la plus optimale. D'autant plus que, en fait, si genre il y a un refus, on passe à la troisième. Mais je pense que ça peut être bien d'abord de... Le gars, je pense que c'est une question, quoi. Ouais. La vérité Oui, je suis d'accord. Je pense que ça marchera pas, mais... On aura essayé, au moins. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la troisième... Genre, il n'y a pas d'option B. C'est-à-dire que là, au moins, s'ils nous refusent, au pire, on finit sur la troisième et voilà. Mais au moins, on a tenté. Tu vois, tu... Il y a juste ça. Oui. Nous sommes là pour établir le front tactique contre les colons. Eh ben, écoutez, je suis de cet avis aussi. Je suis plutôt pour la 2. Je vous laisse répondre. Nous sommes les chefs de l'insurrection de Saint-Chenil. Nous désirons parler avec Zoé ou tout autre membre dirigeant de la résistance. Vous êtes les chefs. Oui. Eh bien, nous acceptons à une condition. Vous laissez vos soldats derrière vous et accompagnez-nous non armés jusqu'à Zoé pour une audience. Eh bien, nous ne pouvons pas... accepté entièrement. Je propose d'envoyer une délégation, mais vous comprenez bien que nous ne pouvons pas nous permettre d'envoyer l'intégralité de la direction de l'insurrection. Donc nous ne serons pas tous présents. C'est non négociable, bien évidemment. Bien sûr, ceux qui s'en rendront pour parler auront la parole de tout le groupe et de toute l'insurrection. Je vois, vous êtes donc un groupe uni. Eh bien, très bien, alors. Je m'avance. Ok, Torik. Donc, il en faut un, à la limite, pour rester. Qui veut rester? Moi, je pense que Moko peut rester, parce qu'en gros, elle a quand même le gros des forces avec elle. Enfin... S'il se passait quelque chose de mal, je pense qu'elle a quand même la main sur une bonne partie des troupes en présence. Bon bah, let's go. Si Moko est d'accord. Je suis d'accord. Vous vous avancez donc au niveau du camp militaire de la résistance que vous aviez déjà visité précédemment. Je sais pas si vous vous en rappelez. Donc nous avons exactement, vous me confirmez si je me trompe ou pas, Efflux, Torik et Jaka. Autour de vous, vous voyez tout un tas de soldats, de cadets de la résistance, avec leur grande tunique bleue, avec, cernée de fleurs de lys, leur béret. Ils sont lourdement armés et vous voyez qu'ils sont en train de décharger des caisses remplies d'armes. De s'équiper et de se préparer pour le combat. Il y a des sous-chefs qui coordonnent un peu toute l'opération. Le camp n'a jamais été aussi actif, comme si c'était le moment qu'il avait toujours attendu. Vous apercevez donc au niveau des tentes, tandis que vous y êtes escorté. L'un des émissaires de la résistance demandait une audience à Zoé. À Zoé Morceau. Quelques temps plus tard, cette dernière vous est accordée. Assez rapidement. On vous ouvre l'espèce de tente, tandis qu'au loin, vous continuez d'entendre toujours et encore les détonations. Au niveau du palais, la fumée qui se fait de plus en plus grande. Vous avez presque, même à votre distance, l'impression d'avoir du mal à respirer. Vous sentez le sable qui tremble à chacune d'entre elles, à chaque nouvelle explosion. Vous avez cette odeur de soufre qui s'est répandue partout dans la ville. Et là, tout autour, vous entendez aussi tout le bruit des déchargements d'armes, des munitions qui rentrent dans les canons. Ainsi que le souffle des cadets qui courent à droite à gauche, se préparent tous, se mettent en joue. En garde, pardon. Et à ce moment-là, vous rentrez au niveau de la tente principale. À l'intérieur, vous avez plusieurs soldats et différents chefs. Un plan de la ville aussi qui a été dessiné. Ils sont en train, visiblement, de coordonner un petit peu de ce qui se passe, d'essayer de recueillir des informations et de se représenter. Zoé Morceau se trouve avec eux. Et... Enfin, se trouver avec eux, donc, avant de se diriger vers vous. Et... elle vous annonce, donc... Alors comme ça, vous guidez la résistance. Enfin, la rébellion. Oui, la rébellion, pas la résistance. Eh bien, qu'avez-vous à me dire? Pourquoi êtes-vous venu jusqu'à mon camp? C'est très simple. Rejoignez-nous. C'est ça. Vous avez tout y gagné. Et c'est maintenant que vous venez me voir? Nous avons eu beaucoup de choses à régler avant ça. Et la vérité, c'est que ce n'est pas aujourd'hui que ça devait commencer. Eh bien, dites-moi quel est votre plan. Pourquoi n'êtes-vous pas autour du palais? Parce que vous nous bloquez la route. Et donc... l'intégralité du débouché de votre plan se joue sur le fait que je vous laisse ou non le passage. Je ne sais pas si j'ai envie de m'allier avec des gens qui ont l'air aussi mauvais en organisation. Bah, disons que l'intérêt, c'est on va pas vous marcher dessus. On fait les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on passe par vous et on voit si vous êtes de notre côté pour enfin finir ce qui doit être fait. Et voilà. Après, peut-être. Si vous ne voulez pas... D'autant plus qu'on s'est déjà rencontrés, et il est juste eu la question que, face à vos hommes, nous avons juste décidé de ne pas bêtement rentrer en conflit avec. La question était plutôt de régler la chose de manière diplomatique, si cela était plutôt possible. Je vois. Alors, négocions. Mais faites vite. D'ailleurs, vous voyez qu'à ce moment-là, il y a un de ces gars qui vient de rentrer. Elle se coupe la parole à elle-même, il lui chuchote quelque chose à l'oreille, va le chuchoter au gars derrière, et repart. Ok. Je disais donc, négocions. Qu'avez-vous à nous proposer? Une simple alliance, pour rentrer. Et qu'est-ce qui se passe une fois que nous arrivons au niveau du palais? On se partage la ville? Effectivement, vous allez faire partie des vainqueurs. Et de toute façon... Qui est-ce que vous travaillez? Le protectorat. Elle baisse la tête et fait une espèce de non. Je pense que je vais vous refuser le passage, malheureusement. Parce que le protectorat? Ce n'est pas le... Nous ne partageons pas le même combat. Quel est votre combat? Une Franca libre. Dirigé par aucune faction. À vrai dire, j'aimerais que ce soit possible, mais jusqu'à présent, on voit bien que ça a l'air d'être plutôt compliqué et que d'autres factions ont envie de se disputer, donc autant faire en sorte que ce soit certaines qui vous sont plutôt favorables. Puis de toute façon, la vérité, c'est que dans tous les cas, vous pouvez pas faire autrement. Parce que si jamais vous vous joignez à Hamza et que vous réprimez la rébellion, vous allez vous mettre à dos tout le peuple toulonien, tout le peuple de Saint-Chenil. Donc certes, vous serez dans une position renforcée parce que vous aurez servi Hamza et vous en serez reconnaissant. Mais de toute façon, vous aurez la haine d'une partie de la ville, l'adoration d'une autre partie, soyons honnêtes. Certains, même au sein de Port-la-Gagne, sont pour Hamza. Et de toute façon, on savait très bien que Hamza ne compte uniquement que sur sa famille et ne laisse que des membres de son entourage et de ses proches gouverner. Donc, même si votre position serait grandie, vous seriez toujours un féodé à la milice des néo-libyens. Et de toute façon, vous seriez... la Franca serait toujours occupée et pas libre. Maintenant, vous voulez la vérité ? Les forces du protectorat sont très faibles. Et si jamais vous voulez réellement avoir plus de puissance, plus de marge de manœuvre, soutenez la révolution du protectorat. Disons que, dans l'idée, si vous allez dans notre sens, eh bien, vous aurez une position plutôt intéressante. Et il est probable, de toute manière, que le protectorat ne peut pas gérer forcément toutes ses possessions elle-même. Il aura besoin de quelqu'un pour gérer Toulon pour eux. Et vous pourriez être cette personne. Ou alors je vous laisse vous entretuer avec les néo-libyens et je débarque après la guerre avec tout un contingent d'hommes formés et qui n'attendent que ce moment, en fait. J'en veux dire, soit. Essayez. Vous pourriez. Mais si vous vous loupez, vous perdez tout. D'un côté comme de l'autre. Mais si jamais vous prenez cette ville et que vous vous asseyez dessus, je perds tout aussi. Je pense que, comme on vous l'a dit, tout est négociable et que vous seriez en position de force de négocier avec le protectorat. Oui, je pense, honnêtement. Je vois difficilement dans quel monde le protectorat accepterait de se retirer totalement de la Franca. Je ne pense pas que ce serait le cas, soyons honnêtes. Voilà. Mais la vérité, c'est que si jamais vous voulez les chasser, vous aurez bien plus du grand... Parce que si jamais vous rentrez en guerre avec le protectorat maintenant, vous allez rentrer en guerre avec Saint-Chenil, et vous allez rentrer en guerre avec les Frères de l'Acier. La vérité, est-ce que vous pouvez régner sur Toulon, excusez-moi, sans les Frères de l'Acier et sans Saint-Chenil ? Non, Saint-Chenil, j'entends. Mais vous savez, nous avons fait un excellent travail. Et je peux vous dire que ce n'est plus le même Saint-Chenil que vous avez connu auparavant. Mais les confrères de l'Acier, enfin les Frères de l'Acier, pardon, qui fera tourner la centrale, le site sidérurgique. Vous pouvez pas imaginer Toulon sans. Et vous n'avez pas à réduire en les frères. Vous aurez besoin des ferrailles. Ça, c'est une certitude. Et sans eux, vous ne pourrez pas tenir Toulon. Toulon n'aura aucun intérêt. À ce moment-là, vous voyez un autre type rentrer dans la tente à toute vitesse, se diriger vers Zoé, lui donner un truc, dire un truc à l'oreille. Lui, il est un peu plus saleté, donc vous voyez qu'il parle un petit peu moins fort. Et vous l'entendez dire quelque chose de type les ferrailles fonctionnent encore, l'électricité a encore lieu là-bas, les machines sont en train de tourner. Et puis il va répéter le même truc aux autres et puis il s'en va. Encore un informateur. À ce moment-là, Zoé retourne vers vous. Je pense pas que tous les frères de l'acier soient du côté du protectorat, honnêtement. Les frères de l'acier se sont insurgés parce que les néo-libyens les ont mis dans une situation invivable. Tôt ou tard, le protectorat fera exactement la même chose. Et c'est déjà ce qui se passe. Plus au nord. L'union des nourriciers qui est en train de se former à justicienne. À votre avis, comment ça va finir ? Par une répression violente des juges ? Par des champs en feu ? Ou par des spitaliers... pendu sur la place publique par un peuple qui se soulève exactement comme à Toulon. Oui, ça y a des chances de finir comme ça. Maintenant, voilà, je vous le répète. Si jamais vous voulez conquérir Toulon sans abîmer les frères de l'acier, sans abîmer les chéraries et les gagner, parce que vous saurez le faire à travers l'intrigue politique, vous pouvez juste rejoindre le soulèvement. Et en fait... Ce sera en fonction de comment, évidemment, vous vous comportez. Ce sera vous qui aura le plus de prestige, ce sera vous qui le fera. Donc, de toute façon, vous pouvez mettre en échec très facilement le protectorat en vous joignant, c'est paradoxal, hein, en joignant vos forces à lui. Ce que je peux vous proposer, à la limite, c'est une trêve, le temps de faire tomber les Néolibiens. Mais je refuserai de collaborer avec des esclaves et des chiens du protectorat. Nous ne partageons pas cette ville. La voyez, trêve est quelque chose qui s'entend avec vous. Maintenant, en effet, nous pourrions avoir et gagner à vous laisser passer, à marcher sur vos pas et à tenter un assaut après le vôtre, voire en même temps, d'un côté différent. En échange, vous avez ma promesse, ma parole, que tant que Hamza Boubacar III est encore en vie, mes hommes ne s'en prennent pas aux vôtres. Aussitôt aura-t-il été destitué, aussitôt nous engagerons de nouvelles négociations. Mais je vous préviens, je refuserai d'avance toute possibilité qu'un culte soit à la tête de cette ville à nouveau. Eh bien, nous négocierons à ce moment-là. Toulon ne sera pas. Et je préférerais voir cette ville détruite plutôt qu'entre les mains de ceux qui la corromperaient de l'intérieur. Écoutez, ça nous paraît tout à fait acceptable. Néanmoins, si vous le faites, je pense que nous pouvons accepter ceci au nom de l'insurrection que nous représentons. Je me tourne vers mes collègues. Oui, oui. Oui, oui. Et Fuchs. Ok. Eh bien, je vous propose de sceller cet accord. Néanmoins, après cela, j'ai une information capitale que j'aimerais vous transmettre cela seul. À ce moment-là, il y a un autre cadet de la résistance qui rentre. Il se dirige, un nouvel informateur qui se dirige pareil au niveau de Zoé. Cette fois-ci, il est essoufflé, là, il le dit totalement lui à haute voix. Il dit « Le mur d'enceinte extérieur est tombé. Les frères de l'acier ont réussi à faire une brèche à travers ce dernier. » Ils sont actuellement en train de rentrer dans le palais. Le seul mur qui reste est le mur intérieur. C'est maintenant ou jamais. Vous voyez Zoé qui vous dit « Comment ça, seul ?» Si vous voulez, je veux bien que vos officiers restent. Hein, c'est comme vous voulez. Après, moi, je préfère qu'il y ait le moins de monde possible. Moi, je commence à sortir. Ok. C'est le jeu, j'accepte. On est dans la banalisation de la trahison, mais tout va bien. Vous sortez. Ouais, non, ce groupe est habitué, Manon. Il y a... vous voyez l'informateur qui sort aussi. En effet, il reste juste Zoé et ses officiers à côté. De toute façon, ils se communiquent toutes leurs infos. Donc. Tu vois quand même que même si t'es pas armé, parce que vous avez été désarmé avant de rentrer, t'as une carrure assez imposante qui fait que naturellement ils ont l'air quand même de se méfier de toi. Ils ont l'air de se dire quand même on le garde à l'œil, on sait jamais qui lui saute pas dessus pour tenter de l'étrangler ou quelque chose comme ça. Ok. Eh bien, je vais faire court. Justicienne et le protectorat n'est qu'une Sodome absolument incapable de comprendre les principes qui ont fait sa fondation. De toute façon, la corruption des clans du protectorat est avérée et depuis bien longtemps trahit les idéaux qu'ils prétendent servir. Je vous propose de vous débarrasser du juge noir Archville, si jamais vous m'aidez à le faire. Ça vous donnera le champ libre pour d'autant plus renforcer votre influence dans les futures négociations ou si vous comptez directement leur tirer dessus. Je n'en ai que faire. Je veux juste m'en aller de la ville. Hmm. Vous accepteriez donc de me livrer les coordonnées du juge noir, Arkville? Ah, avec plaisir. Mais Nicolas, ils sont actuellement du coup à l'université. Moi, je suis prêt à vous fournir la punition des juges noirs, voire à vous les aider à les éliminer. Tout ce que je demande en retour, c'est une faveur, un service inestimable de votre part. Pour être honnête avec vous, j'ai plutôt l'impression que vous êtes droit dans vos bottes et que vous êtes en adéquation avec les valeurs que vous défendez. ça me plaît. Maintenant, peut-être que j'ai juste envie d'un corps de ferme, quelques terres, quelque part. Au vieux mode. Et vous, quelles sont vos valeurs? Pourquoi vous battez-vous? Avant, j'aurais dit la justice, maintenant, je ne sais plus trop. C'est pour ça que je vous dis que je ne sais pas encore ce que je veux. Très bien, alors nous allons vous laisser passer. Mes hommes, et en tout cas une partie d'entre eux, vous suivront. Et nous ne nous dirigerons pas vers le palais au dernier moment. Nous ferons route en direction de l'université, que nous assiégerons. Et nous couperons court aux hommes du protectorat sans toucher aux frères de l'acier. Hormis ceux qui pourraient se trouver sur notre chemin, évidemment. C'est à vous, j'entends, comme vous le voulez. Maintenant, je tiens à vous prévenir, de toute façon, le juge noir dirige sa propre force indépendante et n'est pas... Enfin, sa propre force indépendante. Une partie des troupes du protectorat. Mais de toute façon, les forces des... Comment dire, frères de l'acier, bien que je fais confiance à vos renseignements, j'imagine, mais... Ils sont compte parmi elles les forces du protectorat. Vous ne vous débarrasserez pas de l'entièreté des forces des protectorats en allant là-bas. Néanmoins. Y a-t-il d'autres comme soldats, des chroniqueurs, des hospitaliers? Les hospitaliers font juste des choix. Ils sont pas sur la ligne de front. Et les anabaptistes qui sont avec vous? Veulent-ils s'asseoir sur la ville, en faire une... Non, tout au plus restaurer leur culte, c'est tout. Pas l'imposer. De toute façon, les anabaptistes sont plus là pour. Enfin, comment dire, essayent plus de gagner à travers la conversion que la conquête aujourd'hui, vous savez. Hein. Plus trop les forces pour. Est-ce que vous auriez 5 minutes pour nous décrire avec exactitude l'intégralité du plan du point de vue du protectorat, ainsi que leurs troupes, la position, en tout cas celle que vous connaissez? Écoutez, la vérité c'est que même vous n'avez pas vos chances, vous n'êtes pas assuré à 100% de gagner. Alors, je préfère, je ne sais pas tout ça, bien évidemment, je sais beaucoup de choses. Mais je vous donne déjà, rien qu'en évitant les juges, vous allez vous asseoir à gagner un avantage considérable. Donc de toute façon, je comprends que vous le vouliez vous assurer à 100% d'une victoire totale, mais il faut que j'assure mes arrières aussi. De toute façon, c'est déjà mieux que rien. Merci de nous avoir éclairés. D'ailleurs, tu vois qu'en passage, les conseillers et les autres membres haut placés dans la hiérarchie militaire ont rectifié en temps réel un peu tout ce qu'ils savaient sur leur carte, parce que ça leur est tombé dessus, cette espèce de révolte, ils n'en savaient rien. Donc ils ont totalement essayé de comprendre en temps réel ce qui se passait, mais c'était pas évident. Donc, tout n'était pas exact. Sur ce, je vous propose de vous laisser. Tu vois qu'en effet, elle acquiesce. Elle est déjà concentrée dans le reste du truc. Elle commence déjà à beugler des ordres à ses hommes un peu autour. Tandis que tu lui tournes le dos et rejoins les autres dehors. D'ailleurs, pendant ce temps-là, Mokosh, toi, qu'est-ce que tu as fait aussi? Profitons-en pour voir quand même. J'ai foutu le feu partout. Non. Tu vois les hommes s'impatienter un peu derrière, ça commence à durer, ça commence à faire un moment. La rumeur que le mur extérieur est tombé commence à se répandre, en tout cas qu'une faille a été faite à l'intérieur, et que les frères de l'acier ont pénétré la première du coup, des deux murailles du palais. Tu vois du coup les soldats quand même impatients en ville, tu vois, ils sont tous là au milieu de la rue en train de stagner, ils s'assoient sur les marches des maisons, ils discutent entre eux. Et les gens sont pas trop rassurés de ce qui se passe, ils comprennent pas, est-ce qu'ils vont nous laisser passer? Certains ont peur qu'une bataille éclate entre votre groupe et celui de la résistance. Et du coup, je te laisse en effet me dire ce que tu fais. Bien, je pense qu'en voyant que la situation s'éternise un peu et que les gens ont l'air de se relâcher un peu dans tous les sens, je pense que je vais les agiter un petit peu et je vais leur faire un nouveau discours et leur donner l'ordre tout simplement de se mettre en rang serré directement face à ceux qui sera soit des amis, soit des ennemis. Tout simplement montrer qu'on est présent et se préparer à avancer, quoi qu'il en coûte. Ok, très bien. Tu commences à déambuler du coup au niveau des hommes, à leur donner toi-même tes ordres. Et puis, petit à petit, tu es un peu en train de te mettre vraiment dans la peau d'une générale militaire qui s'apprête à mener bataille. Parce que, mine de rien, pour l'instant, ça a toujours été très passif. Puisque c'était soit Lito qui s'en occupait en partie, en tout cas, je veux dire, avant. Soit, une fois maintenant qu'il est plus là et qu'il y a de nouveaux hommes qui sont arrivés, c'était bon, à la sacristie, il fallait répartir les soldats. Mais là, il y a quelque chose de vraiment actif dans ce qui se passe, c'est que là, il faut quelqu'un qui rassemble, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Tu vois les gens commencer du coup, en effet, à se grouper, en tout cas les soldats. Même ceux du coup des factions que tu ne diriges techniquement pas, comme les faux juges, par mimétisme, du coup, se mettent à faire la même chose. Eux, ils sont encore plus perdus parce qu'en plus, ils n'ont pas du tout l'habitude, ils n'ont pas du tout été préparés à faire ça dans leur vie. Ils ont juste suivi un juge étrange venu de Borka, qui avait l'air d'avoir parcouru le monde et qui avait l'air d'avoir une vision un peu particulière de la justice. Mais du coup, ils se mettent à faire un peu de même. Et les rues sont bientôt vraiment envahies de soldats. Du coup, ils prennent un peu plus d'espace dans les rues plus larges. Ils sont plus resserrés dans les petites ruelles. Mais en tout cas, l'espace est occupé. Et puis finalement, les silhouettes de vos trois camarades partis du coup en reconnaissance apparaissent au loin. Je peux m'exprimer? Du coup, comme tu sais, on est parti avant Jacquard. Donc moi, j'ai pas Oui. attendu qu'ils nous Ok. rejoignent. Je suis parti directement Très bon, dans ce cas, retrouver mon c'est des... coche. au début, il n'y a que deux silhouettes. Voilà. Alors je sais pas si toi, Eflux, tu as fait la même chose que moi, c'est-à-dire que tu viens avec moi directement, ou si tu Bah, du coup, je attends. te suis. Autant qu'on soit pas à trois positions différentes. Du coup, forcément, le temps que ça se goupille avec Jacquard, on va arriver un peu avant au niveau de Mokosh. Ce que je vais faire, c'est que je vais nous regrouper tous les trois. Et je dirais, Mokosh, bon, a priori, ça devrait aller avec la résistance. Ils vont. Enfin, a priori, nous laisser la voie. Maintenant, ils sont un peu à vouloir jouer tout seuls, hein, clairement. Ils n'ont pas envie du protectorat. Ils se sont pas cachés. Je peux le comprendre. Par contre, moi, je vous le dis honnêtement, après ce que je viens de voir. Et de ce que vient de faire Jacquard, je n'ai plus confiance en lui. Si au moins vous avez confiance pour le reste du groupe. J'ai totalement confiance en vous deux, je vous le dis, mais je n'ai plus de confiance en Jacquard. Je pense qu'il y a des choses qui se sont passées, il a changé. Clairement, ce n'est plus le même. Je vais pas vous mentir, moi aussi j'ai changé. Mais je trouve que ça va au-delà avec lui. Et je n'ai plus confiance. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Je pense de toute façon qu'il sera bon pour le groupe de discuter tous ensemble une fois que tout ceci sera mis à plat. Il y aura des choses à mettre un peu sur la table, je pense. Ouais. Une fois que tout sera mis à plat. Jusqu'après, pour l'instant, nous devons rester un groupe uni, quoi qu'il en soit. Ça me va. Bon, de toute façon, c'est un peu notre vie qui est en jeu, donc évidemment que. Effectivement. Et je comprends Jacquard dans ce groupe, hein, je précise. Oui, oui, oui, bien évidemment. À ce moment-là, vous avez Lilith, qui se trouve, j'allais dire Abby encore une fois. Ah, oh, quelque part, c'est un peu Abby. Lilith, juste à côté de vous. Qui, tu vois, Mokosh, te tire un peu le manteau. Enfin, la manche, quand même, plutôt, elle n'est pas si petite que ça non plus. Et tu vois qu'elle te dit. J'aurais une suggestion à faire, peut-être. En attendant que la marche reprenne. On a des hommes actuellement qui stationnent et qui n'ont rien à faire, et je me disais que les Terres Putains, c'est probablement l'endroit le plus... comment dire ? C'est vraiment une... un champ de bourgeons... de béton, en fait. Au final, on ouvre 3 maisons, on est sûr que dans au moins une d'entre elles, il y a un sous-sol avec des endroits de shoot où les gens ont percé, avec des sacs qu'on peut récupérer. Et je me disais que peut-être que dans la bataille qui va s'en suivre, même si je sais, et là, le sortant de Vertoric, qu'on avait dit qu'on arrêtait ces trucs-là, peut-être que exceptionnellement, on pourrait en profiter pour essayer de... d'engranger nos soldats, ou même nous-mêmes respirer certains types de bourgeons. Je veux dire, pour rappel, il y en a quand même certains qui permettent d'avoir une espèce d'esprit tellement lucide qu'on est quasiment capable de percevoir les coups de nos adversaires quelques secondes à l'avance. Il y en a certains qui sont utilisés par les gladiateurs dans les arènes de tu veux droguer les soldats, quoi. Ces trucs-là qui stimulent leurs muscles, leurs sens, qui les rendent plus sauvages, plus forts. Est-ce que c'est pas de ça dont on aurait besoin en ce moment ? Mais en vrai, voilà, c'est juste une idée. Faites ce que vous voulez. Ouais, disons aux orgastiques d'enfoncer les portes et de récupérer ce qu'ils peuvent. Et toi, toi de ton côté, Lilith, ce que tu vas faire, c'est que tu vas repartir à pied chez nous. Tu vas prendre une petite barque avec notre caisse explosif. Et une fois que nous aurons passé ce quartier... Tu feras exploser le pont qui le relie à Courargeon. Comme ça, ils ne nous suivront pas. Très bien. Et Lilith. À ce moment-là, je vais mettre un genou à terre devant elle. Et je vais simplement la prendre dans mes bras. Et je vais lui dire, je suis désolé de pas avoir fait ça dès le premier jour où je suis revenu. Tu vois qu'au début, elle est un petit peu circonspecte. Elle sait pas du tout comment réagir. Vous êtes entouré d'une espèce de lumière très blanche, puisque vous êtes évidemment sur un point un peu en hauteur, hein, pour avoir une, même si bon là on est dans une ville, mais pour avoir quand même une bonne vision de ce qui se passe un peu autour. Et vous, donc, vous êtes englobé dans cette espèce de lumière blanche tout autour. Vous avez les quelques silhouettes du coup, de Toric et Flux. Et ensuite, encore plus au loin, en contrebas, vous avez tous les soldats. Et puis tu vois que finalement, sa main du coup se pose aussi au niveau de ton épaule. Et tu vois qu'elle te rend ton câlin. Sans rien dire. Quoique, juste finalement, au moment de, tu vois, de retirer ses bras, elle dit « Tu penses qu'on va s'en sortir ?» Si les gens comme nous étaient capables de mourir, je pense que je serais déjà mort depuis un moment. Elle sourit un peu et puis elle dit « Mais on pourrait aussi s'enfuir, je veux dire, si jamais ça tourne mal et qu'à un moment on se retrouve bloqué. » Qu'est-ce qu'on fait ? On y va le tout pour tout ou... Enfin, je veux dire, cette cause, moi, elle me concerne pas tant que ça. moi, que la ville elle appartienne au protectorat ou au néolibien, ça change pas grand chose. On peut aussi partir plus loin et ou retourner au niveau des forteresses. Je suis sûr que t'adorerais là-bas, c'est vraiment super beau, il y aurait l'ITO pour nous attendre. Et puis tu verrais sa meuf, elle est vraiment super sympa en plus. Ouais, non, je crois elle que te ressemble un peu sur certains points. Ouf. Ah ouais, c'est... Non, tu sais, je... Les anabaptistes, je les ai surtout connus en temps de guerre quand j'étais jeune, et puis j'ai passé trop de temps avec l'ITO. Non, l'important, c'est... Il faut pas fuir. Si tu fuis, le monde, il va te bouffer, et c'est toi qui dois bouffer le monde. Tu vois qu'elle acquiesce. Et puis, elle se retourne, et puis elle se met en... Pendant ce temps-là, vous avez les orgastiques autour de vous qui ont suivi les ordres que Mokosh donc vient juste de donner. Se dirigent au niveau des portes, écartent la population. Ils connaissent, hein, de toute façon, globalement, un peu les endroits de shoot les plus réputés. Vous voyez certains des membres des Terres Putains qui se souviendront de ça. Qui protestaient. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit, mais pour qui vous vous prenez? Nous sommes dans une ville libre, arrêtez! Tandis que les soldats se dirigent au niveau des portes, soit tirent quelques balles quand c'est verrouillé, ou alors simplement commencent à les enfoncer à coups de jambes, à coups de pied, pardon. Ils commencent à se répandre au niveau des sous-sols. Et puis, très rapidement, ça met pas un moment fou, il commence à ressortir justement des stocks d'un peu tout et n'importe quoi. Certains tombent même sur des caches avec des apocalyptiques qui mettent pas bien longtemps avant de se rendre, hein, des petites nuées un peu random qui donnent du coup vous récupérez des armes. Des stocks différents, donc bourgeons, qui sont ensuite distribués au niveau des troupes. Troupes qui donc vont pouvoir se mettre en marche. Là, Jacquard, à ce moment-là, tu c'est à peu près le moment où tu arrives. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis aux autres Tandis que tu vois les bourgeons commencer à se répandre parmi les soldats. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la gloire, t'en veux? C'est un type qui te répond à côté. Ouais, vas-y. Tu vois qu'il hitte le temps, tu vois que c'est un des miséraux de Saint-Chenil, il a le bras qui tremble. C'est probablement un ancien ferrailleur qui a dû se briser un bras lors d'un accident du travail. Enfin, sur un chantier, bref, t'as compris. Je sais pas si c'était reconnu comme accident du travail à ce moment-là, mais il te le tend, et puis tu récupères son bourgeon. Tu vois qu'il a les yeux complètement dilatés, il est en mode « Ah, c'est celui-là, il a été cueilli il y a pas longtemps, je pense. » Ah, je le consomme? Tu le consommes, non, tu vois, c'est pas grand-chose. Bon, où est-ce qu'ils sont, mes faux juges? Tu les vois, ils sont un petit peu à côté, ils savent pas trop comment réagir, tu vois qu'ils se retournent vers toi et disent... Excusez-nous, chef, mais c'est quoi notre position par rapport à la brûlure? On nous en propose depuis tout à l'heure. Parce que vous... mais pourtant, les juges... Enfin, vous voyez, quoi. La position... Notre position, elle est très simple. Y a le droit dans ton consommer tant que ça trouble pas l'ordre public. C'est pas pour ça qu'on est là, tu vois. Une faux juge qui est juste à côté... On est un peu là pour l'ordre public, vous voyez quoi, je veux dire, ils sont un peu en train d'assiéger le palais, quoi. Justement, c'est eux qui troublent l'ordre public dans le palais, donc il faut aller défoncer le palais. Sauf qu'on va pas défoncer le palais, on va aller défoncer l'université. On va défoncer l'université? Oui. D'accord. Eh ben suivez-moi. Très bien. À ce moment-là, tu vois quand même du coup les autres derrière, donc Mokosh, Jakar et Flux et Tori, pardon. Qu'est-ce que tu leur dis? Tandis que les hommes, en effet, là, tous, globalement, se mettent un peu en route. Hein. Les cadets qui vous barrent le chemin, alors bon, les quatre, eux, à ce moment-là, ils vous barraient pas vraiment la route. Hein. Vous êtes plusieurs centaines, mais vous laissez un passage, dans tous les cas, au niveau du nord de Port-Lagan. Des terres, putain, pardon. Ok, qu'est-ce que vous avez décidé? C'est quoi le plan, là? On va avancer et on va prendre le palais. Ok. On vous suit. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que on a décidé qu'un corps allait à un endroit en particulier ou pas? Non. On n'a pas vu énormément du palais qu'on avait visité au final, donc il va falloir improviser. Bon, bah, à l'attaque. Ok. Là-dessus... Et là-dessus... À l'attaque. Vas-y, dis-moi. Pendant que tout le troupe se met en branle-bas de combat, Jakar, il va ralentir petit à petit, en retardant bien, voilà, avec le groupe, quitte à se retrouver tout à l'arrière au bout d'un moment, et du coup à plus suivre le groupe, mais à partir vers l'université. Par contre, alors juste je récapitule, hein, c'est que nous, étant donné qu'on est censé être le groupe qui soigne, on est naturellement à l'arrière. Donc tu vas être derrière nous, c'est ça? De toute façon, si vous regardez bien au niveau de la carte, le moment où vous allez devoir vous séparer, ce sera au moment où vous allez être au niveau du palais, au niveau de l'axe d'argent. Donc d'accord. Pour l'instant, ça rentre pas encore en jeu, parce que pour l'instant, il n'y a pas de moyen de se séparer. Ok. Mais même techniquement, c'est logique qu'il y ait des combattants qui se mettent aussi à l'arrière, vu que maintenant on a la résistance derrière et que, bon, ils nous ont laissé passer, mais Vous avez pas fait une alliance, vous avez fait un pacte. Ouais. De toute façon, nous, on est à l'arrière, mais en soi. Mais si après Jakar passe derrière nous, on peut comprendre. Quoi. Oh, très bien. Vous commencez à vous diriger au niveau du pont. Vous voyez que le pont, d'ailleurs, qui avait explosé une première fois, il y a une espèce de petit chantier qui s'est mis autour où les membres de la résistance ont commencé à essayer de le reconstruire pour passer à leur tour. Alors évidemment, ils peuvent contourner, mais c'est aussi pratique de pouvoir passer au niveau du pont que de sortir de la ville et devoir faire tout le tour à travers les collines et les montagnes. Bon, les montagnes, non, peut-être pas non plus, mais voilà, les hauteurs, on va dire, qui sont moins praticables pour une armée, hein, tout simplement. Même si vous vous doutez que leurs informateurs passent par là, hein, évidemment. Vos hommes commencent à traverser. Vous entendez plus trop de bruit de combat au milieu de Cour Argent lui-même. Au niveau du palais, oui, vous entendez encore hein, des échanges de tirs, des détonations, mais là, le cours argent, pour l'instant, de ce que vous envoyez, c'est juste une traînée de cadavres, de fléaux, des blessés traînés, des ferrailleurs, des frères de l'acier, avec des bras au moins, en train de hurler à même le sol, avec leurs camarades à leurs pieds, à genoux, en train d'essayer de les soigner tant bien qu'ils peuvent. Au loin, vous pensez distinguer les silhouettes de certains des spitaliers, mais vous n'êtes pas encore certain. À ce moment-là, vous voyez également la silhouette d'une barque remonter le port avec du stock à l'arrière. Des outils, probablement, dans une caisse en bois. Oui. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'avec tous ceux qui sont censés soigner, on va essayer, quand on le peut, hein, bien sûr, en suivant un peu le flow de ce qu'il y a devant nous, de prendre le temps, si on voit des cas où ils peuvent être soignés, prendre avec nous. Quoi. Voilà. Vous voyez, donc en effet, vous commencez à vous disperser dans les quelques bâtiments qui sont encore, ce que je veux dire, ils n'ont pas explosé l'intégralité de la ville non plus. Hein. Donc, il y a plein de bâtiments qui sont encore utilisables. Vous commencez à traîner les cadavres, à monter des espèces de camps de fortune, à sortir les affaires que vous aviez mises de côté. Oui, c'est l'arrière-garde, quoi. On fait un peu l'arrière-garde. Exactement. Puis s'il y a des blessés à emmener, ils seront emmenés là, quoi. À ce moment-là, Jakar, qu'est-ce que tu fais en apercevant Lilith avec ce qui est probablement votre caisse d'explosifs se diriger au niveau du pont? Est-ce que tu passes avant les cadets? Est-ce que tu veux faire un test pour essayer de voir si tu arrives à comprendre un peu ce qui est en train de se passer? Ouais, j'aimerais bien laisser ça au hasard quand même, ouais. Parce que c'est sûr que je pense que Jakar serait quand même intrigué de voir Lilith sur une barque avec une caisse. mais de là à faire la connexion logique ou pas, bah, je sais pas forcément. Ouais, donc, déduire ça. Est-ce que tu veux faire une chance sur deux, tu jettes un dé? Est-ce que tu veux faire un test? Ça peut correspondre à une carac. Quelque chose, hein, si besoin. Ouais, je sais pas. Quitte à... En plus, je suis pas très fort de toute façon, donc. Ouais, je préfère faire un vrai jet. Oui, ouais, bon, on va se dire test d'intellect et je dirais focus, donc ça te fait 2 dés en tout. Et j'aurais dit une difficulté de 2. De réussite de moins déclencheur. Ok. Tu commences à comprendre ce qui se passe. Au moment où tes hommes commencent à arriver sur le pont, tu commences à comprendre que l'élite va probablement juste attendre que vous soyez passé pour faire sauter la caisse. C'est clairement le truc le plus logique à faire à ce moment-là, c'est d'empêcher les cadets derrière de passer. Alors, est-ce que tu demandes à tes hommes de retraverser dans l'autre côté? Est-ce que tu demandes aux cadets de se presser? À toi de voir. Bah, on est d'accord que du coup... de toute façon, je vais envoyer un homme pour dire aux cadets qu'ils doivent se dépêcher. Ok. De toute façon, je pense pas qu'ils pourront tous passer. C'est clair. Mais au moins une partie, quoi. Ok. La barre commence à se rapprocher, tandis que dans les minutes qui viennent, certains cadets commencent déjà à traverser. L'intégralité des juges et des autres personnes se commencent à se trouver de l'autre côté. Les orgastiques, eux, commencent à se diriger tranquillement au niveau du palais, et surtout à sécuriser les rues, à s'assurer qu'elles soient sécurisées, rentrer dans les bâtiments, voir qu'il n'y ait pas de piège qui soit tendu. Toi, Mokosh, on t'annonce que les cadets, enfin en tout cas à l'avant, on vous annonce que les cadets de la résistance commencent à traverser. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'en rapproches pour voir ce qui se passe? Est-ce que tu essaies d'ordonner au loin à Lilith l'ordre de faire exploser la caisse malgré les cadets? Est-ce que tu décides d'abandonner? Je fais confiance à Lilith pour savoir l'activer au bon moment. Elle connaît ses objectifs, donc. Ok. Elle a ma confiance. Ok, très bien. Donc tu réagis pas, tu te focalises au niveau du palais. Au niveau du palais, on va y revenir dans une petite minute. Tandis qu'en parallèle, les cadets commencent à traverser. Tout un groupe commence à se former au niveau de Port-la-Gagne. À ce moment-là, de Cour-Argent. À ce moment-là, Jacquard, il y en a un qui t'appelle. Tu vois que c'est un des conseillers qui se trouvait avec Zoé dans la tente. Tu l'entends t'appeler. C'est pas sur le pont. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas sur le pont. Il est sur le pont. Je lui fais signe de venir. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le pont va sauter. Attends, non, je dis rien. Non, je dis rien. Tu vois qu'il sait pas comment agir. Il s'arrête carrément. Ces hommes commencent à continuer de passer, mais lui, il s'arrête, il te fait un signe des épaules. Et il commence à se demander si c'est un piège, est-ce que t'es complètement fou? Question, est-ce que je le vois, ça? Ouais, tu le vois, pourquoi? Ah, c'est tout. Moi, je le fixe des yeux, limite, vas-y, je le fixe dans les yeux, avec un mauvais regard, genre vraiment... De toute façon, il y a les lunettes de soleil, mais genre... Et je reste passible, les bras croisés, comme ça. Tu vois qu'il a pas l'air de comprendre. Et à ce moment-là, il s'adresse à ses hommes, il fait « On y retourne !» Et il fait signe de retourner au niveau de Port-la-Gagne, des terres putains, pardon. Au moment où le pont se met, du coup, évidemment, à exploser sous ses pieds. Donc la reconstruction du pont, des débris qui commencent à s'envoler à nouveau. Vous entendez des cadets hurler. Et assez rapidement, une pluie de balles commence... vous traverser depuis les terres putains. Ces derniers pensent être attaqués et être tombés dans un piège. À l'avant du cortège, tandis que vous entendez une explosion suivie d'une première salve de tir à l'arrière, que vous savez que vous êtes désormais piégé entre Cour à Argent et le palais de Hamza. Vous entendez une détonation au niveau du palais. En effet, au niveau de la grande plateforme d'observation qui culmine au niveau du palais, vous voyez au loin, alors à vue d'œil, vous voyez rien du tout, mais avec des longues vues, des jumelles ou d'autres outils récupérés, en tout cas qu'on va vous passer, que certains soldats plus en reconnaissance ont, l'on peut distinguer. Vous distinguez les silhouettes de différents fléaux. Et néo-libyens allumaient un signal de fumée dont le sens est très simple. Ils annoncent leur victoire sur les frères de l'acier.